Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va poursuivre sur le thème de l'alimentation. Alors, nul n'est tenu d'être un grand chef cuisinier pour bien manger, mais il importe de connaître les bases culinaires pour se préparer des bons petits plats. Sauf que certains faits que l'on considère comme véridiques s'avèrent des mythes alimentaires quand on l'apprend dès l'enfance et que l'on ne questionne plus, preuve qu'ils sont bien ancrés dans notre façon de cuisiner. Alors, notre chroniqueuse Geneviève Guay est ici pour démystifier 9 de ses croyances. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Vous t'excuserez ma voix de bronchitique. Donc, on commence tout de suite avec le mythe numéro 1. Oui. C'est-à-dire le pain devient rassis parce qu'il s'assèche. Donc, le pain est une denrée alimentaire précieuse qu'on a solidement ancrée dans nos habitudes de vie. On en consomme plusieurs fois par jour ici en Occident. Donc, lorsque le pain devient rassis, c'est-à-dire dur et sec, on croit que c'est parce qu'il a été laissé à l'air libre. On se dit qu'on a dû mal fermer le sac, on croit l'avoir laissé au soleil, on est prêt à accuser le conjoint ou les enfants de ne pas l'avoir rangé comme il faut. Et j'imagine que tu nous disais que c'est parce que le pain a été laissé à l'air libre qu'il durcit. Et oui, c'est plutôt le contraire en fait. Lorsque le pain devient rassis, c'est pas parce qu'il a perdu son humidité, mais bien parce qu'il en a trop eu. Ah. Oui, parce que l'amidon qui est contenu dans le pain se cristallise en présence d'un surplus d'humidité, ce qui rend le pain dur et friable. Alors la pire chose à faire, d'emballer le pain dans un sac en plastique hermétique étanche, c'est de le mettre au frigo. Les basses températures ont pour effet d'accélérer le processus de cristallisation. C'est-à-dire que l'été, le pain aurait plus tendance à durcir, quoi? Oui, effectivement. Parce que c'est plus humide. C'est ça. Donc, le mythe numéro 2, le homard crie lorsqu'on le met dans l'eau bouillante. Vous avez maman, non? Il fait des petits cris aigus. Vous avez peut-être déjà plongé un homard vivant dans une marmite d'eau bouillante. Et si oui, vous avez sûrement entendu un genre de cri qui vous a horrifié. Et depuis, vous n'osez plus cuire du homard de cette façon. Mais en fait, le homard ne crie pas. Le son que vous entendez, c'est de la vapeur qui s'échappe de la carapace du homard. Donc, lorsque vous le mettez dans l'eau bouillante, la vapeur va s'accumuler rapidement dans les cavités de la carapace. Puis lorsqu'elle trouve un trou pour s'échapper parce que c'est créé beaucoup de pression, bon, elle émet un genre de sifflement semblable à celui que fait une bouilloire. Donc, c'est le principe, exactement le même principe, ça sort sous pression, ça émet un sifflement. Mais s'il ne crie pas, en fait, est-ce qu'il souffre quand même? Bien, il semblerait que non, ou vraiment très peu. Les homards, en fait, sont des invertébrés. Leur système nerveux est peu élaboré. Donc, leur seuil de tolérance à la douleur n'est pas du tout le même que celui des humains. Donc, il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme et comparer notre douleur à la sienne. D'accord, et notre sensibilité à la sienne. Exactement. Mythe numéro 3. Oui, c'est saisir la viande lui permet de garder ses sucres, de garder son côté juteux. Alors, donc c'est faux, ça. Oui. OK. Alors, je vais vous expliquer, là, pourquoi. Oui. Donc, les plus carnivores d'entre nous vont comprendre cette envie de viande qui s'empare de nous de temps à autre. Là, vous avez l'envie d'un bon steak saisi à point puis juteux à l'intérieur. Donc, on s'imagine pas dans ce temps-là un bon steak bouilli ou cru, tu sais. Bouilli. Donc, on visualise le steak qui marine depuis 48 heures. On se dit qu'un steak mariné va être encore plus tendre et plus juteux lorsqu'on va le faire saisir au barbecue ou dans la poêle qui est très chaude. Donc, on se dit tout ça parce qu'on l'a appris de ses parents. Puis eux, ils l'ont appris de leurs parents. Puis eux, ils l'ont peut-être appris de Auguste Escoffier, qui est un chef cuisinier français. Puis encore aujourd'hui, qui est considéré comme l'un des plus grands chefs cuisiniers que la Terre a porté. Oh, okay. Donc, même ses livres sont encore utilisés dans bon nombre d'écoles de cuisine et ses principes aussi. Donc, Alors, j'imagine que Auguste Escoffier prônait la saisie des viandes, je présume. Tout à fait. Même qu'il la considérait comme étant essentielle à l'obtention d'une viande tendre et juteuse. Donc, il y avait tort, c'est ça. C'est-à-dire, la viande ne permet pas de conserver les sucres à l'intérieur de la chair. Ce qui se passe en saisissant la viande, en fait, c'est qu'on crée une croûte dure, ce qui fait paraître l'intérieur plus tendre et juteux en comparaison. Okay. Tu sais, c'est vraiment une différence donc, qui donne cette illusion-là. Même qu'un certain Alton Brown, qui était chef cuisinier également, a fait le test, puis a conclu lui-même que la saisie des viandes leur fait perdre plus leur humidité. Bon. Ce qui fait que la prochaine fois, soyez tendre avec votre viande si vous voulez qu'elle soit vraiment tendre de partout. Mais là encore, tout est une question de goût et certains apprécient vraiment la croûte dure qui se forme lors de la cuisson à haute température, j'imagine. Tout à fait, c'est une question de goût. Là. Il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon. C'est juste une question de goût. Donc, le mythe numéro 4, on continue. L'alcool s'évapore complètement durant la cuisson. Ah, faites juste visualiser un petit peu là, des penées à la sauce, à la vodka, du poulet marsala, un bœuf bourguignon. Des flambés aussi. Oui, un baba au rhum, exactement, un flambé, tu as tout à fait raison. Autant de mets délicieux qui contiennent de l'alcool. On se dit que c'est pas grave d'en manger, puis même d'en donner aux enfants, parce que de toute façon, l'alcool s'est évaporé durant la cuisson. Alors, laisse-moi deviner, la cuisson n'élimine pas tout l'alcool. Et non. Mais je t'avoue que j'ai une certaine difficulté à croire ça. Oui, c'est tout dépendant de la méthode de cuisson, de la chaleur et du temps écoulé. Jusqu'à 85% de l'alcool peut demeurer dans la nourriture. C'est quand même beaucoup, là. C'est ça. Donc, moins il y a eu de cuisson, plus on a cuit à faible température, etc., plus il va y avoir de l'alcool. C'est tout à fait logique. Puis, même si on verse l'alcool dans de l'eau bouillante, il peut quand même conserver ses propriétés intoxicantes. Bon. Il a été calculé que pour que l'alcool s'évapore complètement de la nourriture, il a besoin d'être cuit pendant au moins 3 heures. Or, on sait que la plupart des recettes n'ont pas besoin de 3 heures de cuisson. Donc, tenez-vous-le pour dit. Soyez avisés. OK. Mythe numéro 5. C'est la cuisson au micro-ondes détruit les nutriments. Donc, vous avez faim, vous êtes pressé, vous n'avez pas le goût de cuisiner, alors vous prenez les restes dans le frigo et vous les faites réchauffer au micro-ondes. C'est classique. Mais dès que vous pesez sur le bouton start, vous entendez une petite voix dans votre tête qui vous dit « La cuisson au micro-ondes détruit les nutriments. » Et vous ne vous souvenez plus qui vous a dit ça ou juste la première fois, tellement que ça fait longtemps qu'on vous le dit. Mais ça, moi non plus, j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas d'où ça sort. C'est ça. Donc, on est résigné, malgré tout, à manger des aliments dénaturés. Mm-hmm. En réalité, la cuisson au micro-ondes ne cause pas plus de dommages aux nutriments que la cuisson au four ou à la cuisinière. Certains vont même considérer que la cuisson au micro-ondes permet de conserver les nutriments davantage que les autres méthodes de cuisson. Ça s'explique parce que cette méthode de cuisson va nécessiter moins de chaleur et moins de temps que les autres méthodes. OK. Donc, excuse-moi. C'est beau. Alors, le mythe numéro 6. La viande de porc doit être bien cuite. Mm-hmm. Donc, on l'a entendu souvent, celle-là, le porc doit être bien cuit, sinon vous aurez des vers dans votre colon ou dans votre estomac. Vous allez attraper des vers. Donc, cette vieille croyance à la vie dure. C'est pourquoi la viande de porc se mange toujours bien cuite. On t'arrive pas au restaurant à demander de la cuisson, comment tu veux ton porc, c'est bien cuit. Mm-hmm. Donc, il y a longtemps, on pouvait vraiment ingérer des trichinocystes. Ça, c'est une maladie parasitaire plutôt horrible parce que les vers se promènent dans le système digestif puis vont se frayer un chemin jusqu'aux muscles et dans la chair. Oh là là. Ouais. Donc, en mangeant de la porc crue, de la viande de porc cru ou pas assez cuite, on pouvait attraper ces vers-là. Mais les temps ont changé et la qualité du porc produit de nos jours est bien meilleure qu'elle l'était il y a 50 ans. Donc, aux États-Unis même, qui est quand même un bassin de population de près de 350 millions d'individus, je dirais, on compte environ 11 cas de trichinocystes par année, puis ils sont même pas dus à la consommation de porc, mais bien de viande sauvage. Donc, il est possible de manger de la viande de porc rosée, puis je l'ai fait et c'est vraiment délicieux. Du fait, là, mm-hmm. vous découvrirez une viande qui est savoureuse et juteuse. Est-ce que ça pourrait être cette raison qui aurait fait que les musulmans auraient banni le porc de leur alimentation? Oh, là, tu me parles, je sais pas, mais c'est une excellente question qui mérite approfondissement, effectivement. Numéro 7. Oui, donc ajouter de l'huile à l'eau de cuisson des pâtes les empêche de coller. Ah. Oui. Donc, c'est probablement une des premières choses qu'on apprend quand on apprend à cuisiner. Tout le monde l'a entendu ou le fait. Donc, tout le monde l'a déjà fait. Bon. Et c'est faux. Donc, encore une fois, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Elles se répulsent. Puis, si vous faites cuire vos pâtes dans une eau huileuse, l'huile va en fait se coller aux pâtes tellement que les pâtes n'absorberont plus la sauce. Okay. Et en plus, ces pâtes huileuses pourront malgré tout se coller ensemble. Okay. Donc, le meilleur truc, finalement, pour être sûr de ne pas avoir de pâtes qui collent, c'est de les faire cuire dans beaucoup d'eau. OK. Et si je comprends bien, le but, c'est effectivement que la sauce mouille les pâtes, quoi? Le but des pâtes alimentaires, c'est ma prochaine chronique. Okay. Finalement, ça va porter sur les formes des pâtes. Toutes les pâtes ont des formes et ils ont une raison pour ça. C'est ça pourquoi. C'est ça. Et c'est fait justement pour en fonction du type de sauce avec lesquelles on les apprête. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas empêcher la sauce de se marier avec les pâtes. Ça. C'est ça la raison. Et quand on met de l'huile, ça l'empêche tout ça. Okay. Voilà. Okay. Donc, le mythe numéro 8, c'est de cuire les légumes fait perdre leur valeur nutritive. Donc, c'est bien connu, mais la cuisson détruit les enzymes contenues dans les légumes. Bon, normal, la chaleur détruit les enzymes. En fait, on a remarqué, la chaleur détruit pas mal de choses quand on y pense. Oui, la chaleur aussi brise les protéines dans les steaks aussi. Effectivement. Donc, les légumes cuits sont supposés être moins nutritifs que les légumes crus. Mais si je vous dis que lorsque vous mangez des légumes crus, ce sont vos sucs gastriques qui vont se charger de détruire les enzymes contenues dans les légumes. C'est pas vraiment la cuisson. En fait, même que vous les cuisiez ou pas, les enzymes vont être détruites par vos sucres gastriques. Donc, c'est que le corps humain, lui, produit ses propres enzymes. Il n'a pas besoin d'avoir un apport d'enzymes extérieures. Donc, il n'y a pas besoin des enzymes des plantes qui sont produites, en fait, par la plante et qui contribuent à la croissance de la plante, tout simplement. C'est ça, et puis des enzymes, mais c'est des protéines, en fait, comme celles qu'on peut retrouver aussi dans des steaks, en fait, oui. Qui sont digérées, donc coupées en morceaux lorsqu'on les absorbe. C'est ça, exactement. Mm-hmm. En fait, ce dont on a besoin, c'est c'est des acides aminés qui sont dans les enzymes, mais pas vraiment des enzymes comme telles. Je te crois sur parole. D'accord. Mythe numéro 9, lui, il a misère avec... Le sel, c'est du sel. Bon, la mythe numéro 9, le dernier mythe. Bon, vous vous apprêtez à faire des biscuits, hein, de la pâtisserie, à partir d'une recette que votre maman vous a transcrite à la main. Vous avez tous les ingrédients sauf un. La recette dit du sel cochère ou du sel de mer. Ouais. Quoi? Ben voyons. Prenez la salière remplie de sel de table iodée puis vous vous dites que du sel, ben c'est du sel, ça ne change rien au bout du compte. Mm-hmm. Vous utilisez la quantité notée dans la recette. Faites cuire vos biscuits. Les biscuits ont l'air tout à fait parfaits, ça mm-hmm. tout marche. Mais quand vous les goûtez, vous dites, vous ne savez pas trop pourquoi, mais ils ne goûtent pas tout à fait comme ça, maman. OK. Alors, pourquoi? Ben, le sel de table est beaucoup plus fin que le sel cochère ou le sel de mer ou les autres sels. Mm-hmm. Donc, l'utiliser dans les recettes qui spécifient l'utilisation d'un autre sel que le sel de table peut ruiner ou gâcher la recette, modifier son goût. Okay. Donc, le sel de table, en fait, va saler, étant donné qu'il est beaucoup plus petit, que le volume n'est pas le même, va saler beaucoup plus que les autres sels. Ça veut dire qu'il va se compacter plus, effectivement. C'est-à-dire, si on prend une cuillère à thé rase de sel de sel fin ou de sel de mer, on n'aura pas la même quantité de sel. Même quand c'est sel, on n'a pas le même pouvoir salant non plus. Donc, il faut prendre garde au type de sel, s'en tenir à ce qui est spécifié dans la recette. Souvent, ce n'est pas spécifié, donc on prend le sel de table, puis il n'y a pas de problème. Okay. Mais quand c'est spécifié, le sel de mer ou un autre type de sel, il faut s'en tenir à Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des goûts différents. Là. Parce que tu sais, il y a des sels, moi j'en ai chez moi du sel himalayen, là. En fait, il est rose un peu, il doit avoir quelques petits traces de métaux, j'imagine qu'il colore. Oui. Mais j'ai jamais vu de différence entre ça. Mais sérieusement, je vais le faire chez moi, je vais faire un test de goût de sel. Oui. Ça devrait être intéressant. Donc, il faut prendre garde, finalement, en conclusion, de vraiment faire attention au type de sel qu'on utilise dans la recette, au moins tenir compte de leur granularité puis s'adapter en conséquence. Ouais, plus le sel est fin, plus il a un grand pouvoir salant. Donc, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais en fait, ça revient à ça, finalement, à quantité égale, effectivement. Exactement. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Alors, voici, en fait, voilà ce qu'elle met en question certains de nos principes parfois acquis de longue date. Donc, en cuisine, c'est comme en science, il faut parfois remettre en question les connaissances. Alors, merci, Geneviève, et c'est maintenant l'heure de la pause publicitaire sur CKRL au 89.1.